الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ces quelques leçons à tirer des parties du Coran, des juz du Coran. Nous en sommes aujourd'hui au 27e juz, à la 27e partie du Coran, qui débute à Surat Al-Dhariyat au verset 31 jusqu'au verset 29 de Surat Al-Hadid. Le fait que ce juz commence par le récit de Lot, bien que son peuple ne soit pas le premier peuple par ordre chronologique, indique que les polythéistes de la Mecque avaient ceci de commun avec le peuple de Lot, qu'ils se complaisaient dans l'insouciance et la négligence. Allah dit en effet, dans le sens qui sont plongés dans l'insouciance. Dans le verset 11 de Surat Al-Dhariyat, Allah dit dans une autre surat au sujet du peuple de Lot, « Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. » Surat Al-Hijr, verset 72. Par la mention de certains peuples négateurs et leur anéantissement, il est fait allusion aux polythéistes et que leur sort sera identique à celui de leurs prédécesseurs s'ils n'adhèrent pas à la foi. Allah ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se détourner des négateurs obstinés, mais il lui ordonna aussi de continuer à faire le rappel aux croyants. Allah dit dans le sens « et rappelle, car le rappel profite aux croyants » verset 55 dans Surat Al-Dhariyat. Ce verset indique que plus le croyant tire avantage du rappel, plus sa foi est forte et vice-versa. As-tu réfléchi où tu en es de la finalité énoncée dans le verset suivant, dans le sens « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » verset 56 de Surat Al-Dhariyat. Le début de Surat Al-Tur menace les polythéistes négateurs d'un châtiment, et la menace atteint son paroxysme lorsqu'il est décrit comment les anges les conduiront brutalement en enfer, dans le sens « Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer » dans Surat Al-Tur. Le verset 13. Il est question dans cette sourate des délices préparés pour les pieux et que leurs paroles seront, comme Allah dit dans le Coran, dans le sens, ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Verset 26 et 27 de sourate Al-Tur. Vis-tu ainsi dans la crainte d'Allah, qu'Allah te préserve du châtiment du Samoum. Il y a dans cette sourate 15 interrogations successives qui transportent l'individu d'un état à un autre et le contraignent à réfléchir à sa situation présente et à son avenir. Ce sont des questions qui ont amené Jubayr ibn Mut'im à se convertir à l'islam. La patience doit être de mise avec l'adoration. C'est ce qui conclut la sourate Fatir. Détiens-tu un peu de ces deux vertus? La sourate An-Najm commence par faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et démontrer son infaillibilité. Elle établit que le Coran est une révélation provenant d'Allah par l'intermédiaire de l'ange Jibril et affirme que celui qui ne suit pas la guidée finira par suivre sa passion. Les divinités des polythéistes y sont désavouées, ainsi que ceux qu'ils prétendent à leur sujet en qualifiant celle-ci de chimère qui ne repose sur aucune réalité. Dans cette sourate, Allah avertit les gens contre le fait d'avancer des assertions non vérifiées dans des affaires similaires. La fin de la sourate rappelle aux polythéistes ce qu'il est advenu des peuples qui les ont précédés et les avertit d'un événement qui s'abattra sur eux prochainement. La sourate Al-Qamar commence par avertir les polythéistes de la proximité de l'heure et des bouleversements qu'ils connaîtront lors de la résurrection. Elle rappelle aux polythéistes le sort des peuples qui les ont précédés et qu'ils ne valent pas mieux que les mécréants des anciens temps. Il est affirmé de façon répétée dans cette sourate que le Coran a été facilité à ceux qui veulent le lire, le mémoriser ou le comprendre. Seulement le problème est, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir et le méditer? La sourate Ar-Rahman dénombre un grand nombre de bienfaits. Et le premier bienfait qu'elle mentionne est l'apprentissage du Coran. Où en es-tu dans l'apprentissage du Coran qui ne se limite pas à sa lecture seulement? La fin de cette sourate décrit les délices du paradis et ce qu'il contient. Celui qui réussit est donc celui qui œuvre sérieusement en vue d'y demeurer, avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'introduction de Surat Al-Waqi'ah est terrifiante. Peux-tu faire une pause à cet endroit afin que ton imagination puisse décortiquer cette scène? Le jour de la résurrection, les gens seront divisés en trois groupes selon leurs œuvres, chacun recevant une rétribution spécifique. Prends donc garde à ne pas faire partie du groupe voué à la perdition. Sont exposées certaines preuves matérielles démontrant que la ressuscitation est une vérité et que sa négation est une déficience. La sourate se termine en décrivant les instants de la mort et la mention des trois groupes de gens dont il est question au début de la sourate. La sourate Al-Hadid commence par décrire l'éminence d'Allah, l'étendue de sa science et la perfection de son pouvoir. Attribuer l'éminence à Allah a comme fruit la foi en lui et la dépense pour sa cause. Il y a une description de la lumière des croyants dans les grands espaces de la résurrection et du dépit des hypocrites de ne pas avoir une telle lumière. Allah dit dans le sens, dans le verset 16 de Surat Al-Hadid, le fer. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran? Qu'en est-il de nous? Il est rappelé dans cette sourate la véritable nature de ce bas monde qui est qualifié de jouissance. On y appelle à se hâter vers le pardon d'Allah et le paradis et à prendre exemple sur les prophètes d'Allah qu'Allah a mentionnés en fin de sourate. La lumière est mentionnée à deux reprises dans cette sourate. Une fois dans les grands espaces de la résurrection, à ce moment-là les croyants resplendiront de cette lumière, et la seconde à la fin de la sourate. Ainsi, celui qui ne resplendira pas de la lumière de la foi dans ce bas monde n'en resplendira pas non plus sur le pont Sirat dans l'au-delà. Ainsi s'achèvent les quelques leçons à tirer du 27e juz, de la 27e partie du Coran Al-Karim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.